J'ai commencé le rap dans ma city. Gravi toutes les marches jusqu'à m'élever. Notre histoire et nos âmes sont bien reliées. Au sommet de la côte, posé j'oubliais. J'ai gratté quelques 16, voyez dans le Rhône. J'affûtais tous mes flots et ma clé de sol. Je remplissais ma tête d'or, les pensées dans les nuages, le ciel d'un bleu immuable. Je passais pour une escroc. J'ai bien des rêves à réaliser. C'est pas en dormant que ces rêves vont se réaliser. Je ride l'université lumière. Je dois dire qu'on fait pas la paire, mauvais élève, car je suis passionné par le son. Je dois travailler pour des sous, additionner les sommes, ne plus dépendre des autres. J'ai pris le courant de la zone afin d'éviter la zone. Et rongé par les sons, je suis revenu à la source. Je voulais dans la ville. Je voulais dans la ville. Panthère face au lion, le brouhaha de la gare me fait bouger dans le velillon. Je me souviens encore des graphes et de l'odeur des bouchons. Je suis enivré par le cadre, non par les bouteilles sous le pont. La métropole m'a fait grandir et m'inspire. Ce métronome, j'en ai fait de ma vie un style. Et toutes ces âmes, j'ai pu croiser mon instruit. La grisaille m'a terni, j'ai boité comme TRC. Les néons, des snacks et des pubs. Le béton, la bac et les punks. Change de couleur, mon vrai coup de cœur. C'est ce plaisir près des péniches. Mes pompons rider le bitume. Mon ombre a caché mon attitude. Chante la douleur, cherche la douceur. Posez, je médite, je veux être paisible. Du mal à m'endormir, possédé par le tempo. Je compte les heures, obsédé par les échos. Des sirènes, l'argent n'a jamais cessé de tourner dans ma tête. Du mal à m'en sortir, obligé de faire du réseau. Je compte mon beurre au pic et je taffe mes exos. Mes dilemmes, la chance n'a au grand jamais fait partie de ma quête. Je voulais dans la ville. Je voulais dans la ville.